les brins bœufs de votre communauté errent depuis des temps enfouis dans vos maigres mémoires sur les méandres de Serpentine. Vos ortillons ont depuis longtemps sillonné le moindre de ces méandres, mais qui se sont trouvés récemment changés par les pluies incessantes. Ces pluies qui ont gâté vos cressonnières et vous ont contraint à larguer l'amarre de vos ortillons et à errer sur ces méandres. Vous avez quitté vous-même le refuge des ortillons à la recherche d'éléments qui permettraient à la communauté de subsister et peut-être résister aux maux qui vous assaillent, qui accompagnent cette pluie de mousson qui envahit votre région. Tout s'est trouvé changé, noyé sous ces pluies, et le pays de Rouille a vu ses frontières noyées, brouillées, indistinctes. Vous vous dirigez vers le Cassel sans savoir si le fait de suivre le courant même qui vous portait vous permettrait de le rejoindre, et dans le sillon de votre embarcation, vous avez pu enfin attraper un énorme poisson. Ce poisson singulier, vous l'avez extirpé de l'eau, non sans mal, puis à contre-courant, vous avez passé le reste de la journée à tenter de rejoindre les ortillons et les autres horizontaux, les autres brins bœufs de votre communauté. Smerdi, à ton arrivée dans votre campement flottant, comment prépares-tu ce poisson qui, dans la presque nuit, lui d'une lueur jaunâtre, étrange et singulière? De plusieurs gestes, j'exécute, je coupe le poisson en plusieurs morceaux, un peu comme l'on... Tu tronçonnes? Oui, je le tronçonne. J'agrémente ces tronçons des quelques bouts d'algues qui nous restent. Tout ça, je l'avais préalablement laissé sur une espèce de table en bois. Oui. Que je renverse dans l'une de nos marmites et que je fais cuire lentement afin que... J'avais déjà préparé la marmite avec quelques épices pour donner du goût. Les petites algues, c'est pour augmenter la note à la fin du repas, pour faire semblant que ça a été bien préparé. Non, mais les algues, ça redonne du goût, je suis désolé. Hein, je prends... de ce résultat qui, en fait, on vient à ressembler à une bouillie, je le verse dans les écus, j'en verse une large portion dans une écuelle, puis je laisse la louche de ferraille dans la marmite avant de partir dans mon coin du navire à côté de mon pour aller dévorer ce mec j'ai travaillé. Est-ce que tu as laissé le soin à Shubia de s'assurer que la découpe était conforme? Est-ce qu'il a salmodié quelques mots rassurants à l'attention des autres membres de la communauté? Je absolument rien. Sale, j'ai peut-être marmonné la soupe, la soupe, la soupe. Là, on est tous à avoir la dalle. Mais la communauté est jeune, non? Relativement. Il y a très peu de membres qui doivent dépasser la vingtaine. Vous êtes le plus âgé? Nous ne sommes pas forcément le plus âgé, il va y avoir une ou deux personnes. Une ou deux personnes plus âgées, il va y arriver. Mais on fait partie des plus âgés. Je veux dire, on est au-dessus de la moyenne d'âge, c'est la question que tu posais. C'est une communauté de... Là, je dirais que la moyenne d'âge, c'est 10-12 ans. Encore une communauté d'ados. Oui, sauf que là, c'est des ados qui doivent survivre. C'est pas la même chose que les ados prépubères qu'on croit sur Internet. Tu te sers également de... du poisson pêché dans la rivière. Je vous sers plusieurs bols en attendant aux gens qui attendaient pour manger. Tu t'assures que chacun est suffisamment... Je m'assure que tout le monde a à peu près la même part parce que il n'est pas infini le poisson. Donc, enfin, histoire de pas servir l'équivalent de mon bloc-notes à quelqu'un et après donner l'équivalent d'une gomme au dernier parce qu'il est arrivé à la bourre. Le fait qu'ils arrivent... en retard n'est pas envisageable, tout le monde a faim. Oui, je sais, mais pas parce que le dernier de la file aura la taille d'une gomme, parce que le premier a eu la taille du calepin. Et c'est donc un peu toi qui. Oui, qui sert la soupe. Qui sert la en soupe. En revanche, moi je me suis servi de bloc-notes. Hein. Oh oui, mais toi t'es mal poli, t'es parti avant que tout le monde arrive avec ta c'est moi qui ai cuisiné quand même. Ouais, mais t'es mal poli quand même. Tu pouvais attendre que tout le monde vienne pour commencer à manger. Est-ce que vous avez coutume de manger non. Ensemble? Non. Ou chacun s'isole? Chacun mange là où ça l'amuse. Et là, c'était juste pour emmerder le joueur Gabriel. Mon commentaire là. Chacun mange dans son coin librement. En revanche, on a l'habitude, on avait l'habitude de toujours mettre une dose de gel dans. Un tout petit peu de gel dans. Bah, c'est lui qui me reste des pigments de gel dedans. C'est comestible les pigments, à ce que je sache. Non, c'est pas très comestible, c'est pas très bon pour la santé, mais c'est notre dose de mysticisme à nous. Bah, ceux qui me demandent, je leur mets 3 pets de guêldre. Bah, comme les restaurants, justement. Tiens, 5 euros plus. Il dessine un bitcoin sur. Un bitcoin, un dollar, un peso. Dans la bouillie, il dessine un bitcoin avec. Ah bah non, t'imagines, si je dessine un bitcoin, je perds une dizaine de grammes, alors que si je dessine juste un micro bitcoin sur le bord du bol, je perds à peine un gramme. Je dessine un micro bitcoin, s'il te plaît. Bref. Donc tu as coutume de rassurer les plus jeunes en honorant chaque plat de petits symboles pour... Ceux qui me demandent, oui, sinon je m'en passe moi-même, donc... Mais c'est vers toi que se tournent les plus jeunes lorsqu'il convient de les rassurer. Oui, du coup je joue le jeu, mais sinon je joue pas forcément. Shugia. Oui. On est allé avec la gaude, on est allé à la limite de l'ortillon dans la presqu'aube. On avait froid, on avait faim, et puis on avait trouvé un écureuil qui cherchait sa cache. On a essayé de l'attraper, comme tu nous as montré, avec des cailloux. Désolé, on en a perdu, mais on a fini par l'avoir, il est tombé. On a été le chercher dans l'eau, et là, la gaude, elle a eu très peur, elle a crié. Après, elle a pas voulu le dire aux autres. Mais on a vu quelque chose qui se tenait là. Juste à quelques pas de nous dans l'ombre, dans les feuillages. Bien. Ça avait des mains très très grandes. Comme les serres des oiseaux. Et la gaude, elle a eu très peur, elle a crié, elle a pleuré, je l'ai rassurée, hein. Mais elle s'est cachée C'est pour ça qu'elle est pas venue manger ce soir, elle est restée là-bas. Bah, je regarde le truc de soupe, le circuit, il y en a plus. Dommage, il y a plus de soupe. Bon, on va voir pour ton truc. Et puis, pour le caillou, c'est pas grave, on le retrouvera. Je m'étais dit que tu en trouverais des bons cailloux ou les billes de fer que t'avais trouvées dans le château l'été dernier. Bah, en fait, on en a pris une. Et c'est les billes qu'on a perdues. Parce qu'on pensait que les billes, elles seraient plus efficaces. C'est dommage pour les billes. Bon, on les retrouvera peut-être. Du moins qu'il en reste quelques-unes. D'accord, il n'y en a plus. Bon, c'est pas grave. Il n'y a plus de billes. Mais j'ai toujours le lance-billes. Hein. Ouais. Bah, sauf si on retrouve des billes, ça ne nous sert pas à grand-chose. Mais... Bah, on pourrait lancer des noisettes. On a trouvé des noisettes dans la cage de l'écureuil. Si elle rentre dans le truc sans le casser, ouais. Ah oui, ça rentre. Tu veux que je te montre? Je vais m'en passer. Je vais chercher le machin dont vous parlez. Ah non, je crois que c'était une sorvacane. Non, c'est... C'est un lance-bille, oui, forcément ça rentre. Tu peux même mettre... on peut mettre ta tasse si ça nous amuse. Hein. Bon, la tasse elle est en mille morceaux, mais... Ça fait projectile. Avec sous-projectile, étant les morceaux de la tasse. Moi, pardon. C'est le principe d'une grenade à fragmentation. On va chercher la gaude. La gaude, alors? Oui, elle a pas mangé... Parce que passer toute la nuit dehors, alors je sais à peu près où elle est, mais plus tout. Hertz, le petit rouquin qui est venu te Hertz. Trouver, Shubia, c'est le faiblard de la bande. Il est toujours dans l'ombre de quelqu'un. On l'appelle Hertz parce qu'il est toujours entre deux eaux, entre deux gestes, et il a un débit qui alterne entre des phrases lâchées à toute allure et d'autres heurtées et bégayées. Et donc, Hertz est souvent avec la gaude, mais il traîne aussi avec le petit dragon. Parle, mais il parle qu'à la gaude parce que il dit à tout à chacun qu'il a un dragon dans l'oreille. Les sourds. Muet aussi. Pratique. Mais à la gaude, il parle volontiers. Et donc, la disparition de la gaude, c'est l'effondrement de ce petit système, puisque alors Dragon ne pourrait plus parler aux autres membres de la communauté en l'absence de la gaude. Et il a dû d'ailleurs... rester quoi et ne pouvait pas rapporter la disparition de la gaude puisque seule la gaude parle pour le petit muet qui a un dragon dans l'oreille. Donc vous devez organiser une expédition alors que le crépuscule s'installe et que les ombres se dessinent plus denses, plus sombres, plus fortes alentour et qu'elles se noient dans le miroitement des eaux. Mais toute expédition est bien évidemment saluée par une peinture rituelle et protectrice. Et, une peinture en écorce. Une peinture sur dans la tête de Soubia. Mes pigments, par pitié! C'est des peintures en écorce, donc ça se fait avec de la sève. Pas de. Tous nos points de sève? Non. La peinture sur écorce, c'est. la peinture sur écorce, ça se fait avec de la sève. Une fois que celle-ci est séchée, on remet sur toute la plaque en bois, la plaque d'écorce que tu as découpée, on remet de la sève ou de la cire, et en fait, ça va permettre que ça garde sa longévité pour des centaines et des centaines d'années. Donc il faut... il faut absolument au jeune Hertz. Je vous dis, il faut qu'on se protège des esprits de la nuit, parce que nous allons nous enfoncer dans le pays de nuit pour aller retrouver la Gaude. Et il faut une protection pour nous enfoncer dans le pays de nuit. Soit, je commence à dessiner le symbole rituel que je fais actuellement. Donc, tu donnes satisfaction à Hertz, dragon est sur les rangs avec sa sarbacane. Hertz, son lance-bille et ses noisettes. Pratique. Mais Hertz reprend comment on va la retrouver dans la nuit noire? Il faut que celui qui marie les mots. Interroge la serrure du temps jadis et qu'on ait une vision du futur. Hein, Smerdi, viens avec nous. C'est quoi, toi le qui morveux? Va nous guider. Qu'est-ce qu'il y a, le morveux? Bah, c'est toi qui va nous guider. Pourquoi je guiderais un morveux comme toi? Bah, pas moi, hein. Mais la Gaude, elle s'est perdue dans le marais. Tu me proposes quoi en échange? Du shampoing. J'ai trouvé un savon, comme ça on t'appellera plus le pion. Mais que faire de monsieur shampoing? Regarde, savon, mon savon, c'est écrit dessus. Savon. Mon savon. Regarde, il y a même une dame dessus, une verticale. Effectivement, dans un écrin de... Il a retrouvé un vieux savon. De ces vieux papiers du temps jadis, il y a un pain d'un jaune terreux qui est enserré dans la gangue de papier. Et sur le papier est figurée une verticale qui... Ce savon frictionne le corps avec un pain rosé, lui, pas du jaune noirâtre que... Mais regarde, tu vois sur l'image, là, c'est rosé, et là, c'est jaune noirâtre. Ça veut dire que le savon, il est plus bon, donc on m'appellera toujours le puon, donc c'est une mauvaise affaire. Ah non, ce que tu fais. Sans... Ah, ça sent très fort, effectivement, et ça sent une odeur de rose. Comme les grandes roses qui poussent sur votre ortillon. Les grandes roses qui... t'aurais pas passé. Qui, avant les pluies, essaimaient leur pollen alentour. Guy, t'aurais pas passé ce savon avant les grandes pluies sur les roses pour faire justement pour faire marcher un homme de crédule? Non, c'est, je l'ai trouvé dans une cache d'écureuil. Mais pas des roses à côté. Trouvé dans une cache nucléaire. Pardon. Parce qu'il se trouve que l'écureuil se trimbalait avec une micro-centrale nucléaire pour faire tourner son sabre laser de poche. Non, mais je l'ai trouvé dans une cache d'écureuil. En cherchant à attraper l'écureuil qui s'était réfugié dans sa cache, on est tombé avec la Gaude, on est tombé sur une porte toute rouillée, et on l'a défoncée. Avec les muscles de la Gaude, il l'a défoncé, hein, c'est pas moi. Et après, il y avait une autre porte avec un signe des dieux du cercle. On l'a poussé et là on a trouvé plein de trucs intéressants. Des trucs du temps Zadis. Mais moi, j'ai pris que ça. La Gaude, elle a pris plus de trucs. La Gaude, elle a quoi ? Plein de trucs. Elle a une espèce de pétoir du temps Zadis. Ça fait... La Gaude, elle a aussi trouvé un lance-missile. Elle s'est dit que ce serait utile de le garder. Et elle bombarde. Quand t'appuies, ça fait... Et il y a des petites flammes qui sortent de la gueule de la pétoire. Et on l'a mis sur l'écureuil mort pour voir. Et ben les poils de l'écureuil mort, ils étaient tout hérissés après. Et tout chaud. Il était tout bon. Il était tout bon là pour manger. On l'a mangé, hein. Celui-là, on l'a pas ramené, on l'a mangé sur place. Sur place. Ouais, sur place. Il était très bon. Dis-moi, la découverte de la Gaude, ce serait pas un sèche-cheveux ou un chalumeau ? C'est pas si ça sèche les cheveux, en tout cas, ça sèche l'écureuil. Et ça cuit l'écureuil. Ce serait pas une forme un peu arrondie qui se finit en espèce de... Qui se finit ah bah il l'a vu avec son cadenas. Comment tu sais à quoi ça ressemble? Comment le personnage peut savoir à quoi ça ressemble à ses cheveux? Parce qu'il le sait, il nous le dit. D'accord. Ah bah moi je sais à quoi ça ressemble une centrale nucléaire, pourquoi? Je connais aussi les schémas techniques d'une centrale nucléaire. Je l'ai dit, j'ai des visions. Je sais, je plaisante. C'est de l'exagération, rassure-toi. Sinon, je l'aurais pas dit sur ce ton-là et j'aurais pas sorti des trucs aussi ahurissants. Aberrant. C'est la même chose. Donc, comment vous organisez l'expédition ? Il passe devant. On va faire ça. Il a des visions, il passe devant. Il a des visions. Interroges-tu le cadenas Cadenas, donne-nous la vérité. Mais non, il est pas grand, il fait 6 mm. Hein. Oui, je sais, mais sauf que, tu sais, je regarde du temps, même si t'as une idole qui fait la taille de ce truc, t'es quand même en mode, oh, grand truc muche. Bah, le cadenas est tellement petit que je dois galérer pour le faire rentrer dans l'arceau de la porte à l'intérieur. Oh, grand, oui, pas alors qu'il est plus petit que moi. Indique-nous la voie. Oui, mais toi et puis les grands, en comparaison. Donc, et alors oh, grand, coton-tige. Interroges-tu ton cadenas passe le interroges-tu, coton-tige. Passe. Mais y'a plus le coton. Oui, je sais, passe. Qu'est-ce que je vais faire avec un coton-tige sans... Coton. D'accord, il va... C'est son nouveau cadenas. Hop, ça fait à peu près ça dit... un petit peu moins. Mais ça te donne une idée du cadenas. Donc, interroges-tu le cadenas Smerdy ou fais-tu. Ou te munis-tu d'autre chose pour interroger l'augure des futurs? Je prends une dose de gaine. Mmh. Encore? De mon guédrier. Ah, ok. Mmh. Je revais mon cadenas de guêtre qui m'ont encore plus rouillé, j'en suis conscient. Enfin, moi en tant que joueur, pas mon personnage. Mm-hmm. Je prononce tout bas des paroles incompréhensibles. Même par lui-même. Incompréhensibles qui me viennent d'une autre langue. De l'allemand. Ariaya Chocroute. C'était gratuit. Et non, mais je comptais utiliser de l'allemand justement parce que c'est une langue que je maîtrise. Sag mir, was ist nach dem Licht? Was ist? Parle-moi. Qu'est-ce que? Pas compris. Was ist qu'est-ce que? In unsere Zukunft. Pas compris. Ah, je sais que tu lui demandes qu'est-ce que c'est ce machin, mais. Est-ce que veut dire machin? Aucune idée. Unsere. Was. Was. Liegt. The Comforting Meta. Alors, ça parle de maître. Alors, je peux le traduire, si tu veux, si ça t'intéresse. Alors, nous t'écoutons. Parle-moi, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a près de la lumière? Parle-moi, parle-moi. Qu'est-ce qu'il y a dans le futur? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans l'avenir? Parle-moi, parle-moi. Qu'est-ce qui se cache? Enfin, j'ai dit utiliser le verbe se situer, ligne. Dans les prochains mètres. Donc c'est. Parle pas, parle-moi, parle-moi. Est-ce que je vais mourir dans les prochaines secondes? Alors, mourir, c'est sterben. C'était Yoram qui demandait pas une justification ni une traduction, hein, c'était juste une blague. Après, c'est fait exprès, j'ai placé les fautes exprès aussi. Non mais désolé. Tu as un don, hein. Quel est ton don? Dès que je lance un des passes. 14. C'est quoi? C'est en gueule du coup? Ou peut-être? Enfin, je sais pas. Pour moi, c'est en gueule, c'est en lien justement avec le charisme dans son sens premier. Mm-hmm. Donc 14, ça passe. Chobdia, tu fais confiance à votre guide et tu te places derrière lui avec les deux gamins en remorque. Okay. C'était plus une question. Moi personnellement, je pensais me mettre derrière comme un gros lâche pour pouvoir m'enfuir. Et mettre les deux gamins. Les deux gamins entre nous, ouais. D'accord. Donc vous enfoncez. Au moindre doute, je me mets les pigments bleus et je fais et je m'enfuis. Bon, c'est ironique la fuite, mais. Enfin, c'est une blague. Vous enfoncez en cœur de nuit, de fait, et vous marchez un long moment, essayant de discerner dans la pénombre les traces qu'on laissait plutôt sur les îlots terreux, les deux gamins. La pluie a constellé les traces de petites marques, mais Smerdi, ce n'est pas le sol que tu regardes, c'est droit devant. Tu es un hors-saint, n'est-ce pas? Il est vrai. Je parle la langue du Zla, la langue du bois. Tu parles la langue du bois. Et l'écoutes-tu volontiers la nuit venue? Mm-hmm. Ich höre gern die Waldsprache. T'as compris ça quand même? Mm-hmm. Ich höre gern die Waldsprache, t'as compris? J'écoute quelque chose. Ich höre gern. J'aime bien écouter die Waldsprache, la langue du bois. Tu écoutes cette langue qui souffle sur la plaine, noyée de ses eaux de fange. Tu discernes au sein de la masse d'eau, de bois, de ténèbres, des bourdonnements jaillis du temps éteint où vos ancêtres couraient librement dans ces bois et où tous ces artefacts que redécouvrent les gamins en chassant les écureuils vivaient une vie propre. Tu revois, tu entends au-delà des violons du camp qui poursuivent leur long chant monotone destiné à endormir les craintes des plus jeunes, tandis que le vieux, celui qui râle sans arrêt parce qu'il est plein de douleurs articulaires. Il n'a pas de vacances, lui. Le vieux, on l'appelle comme ça, non, en raison de son âge, il a le même âge que vous, mais il a toujours mal au dos, mal aux pieds. Il est. Indignasse en vue. Il est assez costaud, mais nonchalant, il grommelle plus qu'il ne parle, et c'est assez naturellement qu'on lui confie. Les plus jeunes, car malgré son côté bourru, il a un abord qui permet à ceux-ci de se sentir rassurés, car s'il est abrupt avec les autres, il l'est aussi avec les esprits qui hantent les ténèbres du bois, et aucun des esprits ténébreux ne se risque sur l'ortillon lorsqu'il est à bord. Aber mein Alter sind nie. Die Menschen, aber das ist die Orla. Alors, il y a qu'une seule chose à dire, noble espagnol. Oui, ça n'a absolument aucun rapport, pourquoi? Et dans cette masse bruyante de bruit, de sons qui retentissent entre les feuilles sous... les assauts de la pluie et du vent mêlé qui ne parvient pas à dissiper depuis des mois ces nuages qui s'amoncellent sur vos terres du pays de Rouille, tu distingues une voix qui fut autrefois une voix déchue, elle est presque tout entière maintenant... envahi par les terres noires de tourbe, celles qu'habitent les esprits. Vous êtes maintenant loin du camp, vous avez marché longuement, suivant... le chant distant, n'entendons plus que les crissements de l'archet au loin, et dans la ténèbre, tu discernes au-devant l'un des habitacles roulants qu'affectionnaient les anciens. Il est tout de rouille, comme tout ce qui vient de l'ancien temps, juché sur des pierres à dessin avec de grandes lames sur lesquelles reposent ses essieux. 94 est frappé à sa proue, la proue qui est droit devant, et tu sais que vous trouverez au-dedans, dans la ténèbre au plus profond du véhicule de Rouille, vous trouverez la gaude qui s'y est réfugiée. Elle est terrorisée et au dehors rôde quelque chose. Sagt mir, was liegt? Tu entends cette présence qui te parle. Tu entends la gaude qui pleurniche au loin. Was bedeutet? Qui t'appelle? Est-ce la gaude ou derrière dragon qui mugit? J'observe dragon pour savoir si c'est dragon. Moi, dragon mugit, et devant vous, entre vous et les restes d'un véhicule du temps jadis, dans la clarté lunaire, se tient une silhouette, des mains comme des serres, une tête énorme, presque flasque, du fait de... de son volume, une tête rouge comme une de ces courges que l'on cueille à la morte saison, à l'entrée en morte saison, avec de grandes dents qui vous contemplent et qui ricanent et qui vous parlent. Et le chemin semble osciller sous tes pas. Étrange. Hertz te donne son lance-patate. Je dois faire quoi avec le lance-patate? Vas-y, toi! T'es pas bigle comme moi! Ok, bon, j'essaie de tirer là où il m'a demandé de tirer. Et j'ai des phases, moi, maintenant, qui sont tout en train, qui sont comme moi, enfin, là, le personnage, lui, mon personnage. Se met en vie, a les mains complètement surdimensionnées, complètement désossées. Non, comme mes mains actuellement. Tu vois bien que t'es de mes mains, c'est les gilets. Et c'est des mains complètement désossées, quasi désarticulées, un peu comme tes pieds. Comme Gollum. Mm-hmm. Et je les tends dans l'une. Allô? Mein Freund. Tout en continuant de jouer avec mes doigts d'une manière assez... Est-ce que tu tires sur... Sur la silhouette, sur la tête que tu peux viser... Sur un côté. Tes projectiles? Oui. Je tiens un projectile à côté. Mm-hmm. La silhouette semble faire danser, tu vois, tous les détritus qui jonchaient le sol alentour qui se soulèvent, le sol qui oscille et l'eau qui se met à frissonner à la surface, miroiter sous la lune. Que fais-tu après avoir dit « mon ami » et tendu les mains vers la silhouette qui saisit tes mains avec froideur? Tu sens un froid t'envahir, un froid qui gagne ton bras, qui remonte en toi... Tu entends le chant de la forêt qui s'élève alentour. Tu entends des cris, les cris des esprits et toutes les sœurs, vous appelez sœurs, les petites grenouilles qui vivent dans le marais se mettent à chanter alentour. Le son monte, tu sens dans ta main... la petite main de dragon qui te tend une relique du temps jadis. Je m'en saisis et je c'est un sèche-cheveux. D'accord, c'est lui qui récupère un sèche-cheveux. Du coup, je l'utilise, hein. Il m'a demandé de l'utiliser. Tu l'utilises? Comment? J'imagine qu'il y a un bouton en off. Oui. Il y a un bouton qui est là où on placerait la gâchette d'une pétoire. J'appuie dessus. En espérant qu'il fonctionne. Dans ta ligne de mire, dansent les objets, les gamins qui hurlent alentour. Et tu sens que quelque chose de terrible va advenir. Et alors que Mathieu, que Choubdia. Choubdia jouait, tentait, du moins, de jouer de sa relique. Je tords les mains d'une une torsion subie, enfin, d'une torsion longue, limite une brûlure indienne. Je le fais à la bête et je dis: Jetzt bin ich der König von der Schwarzland, nicht mehr du. C'est en viande, j'imagine. Par rapport au geste que tu as entrepris. Sans que ça passe ou pas? Tu as combien de viande? 11. Et tu sens en toi une vive douleur remonter dans tes membres qui se mettent à tressauter sous un rythme effréné. Tu sens la douleur remonter jusque dans ta bouche, le sang affluer dans ton corps. Et d'eau. Tu perds 7 points de sève. Je crois que je t'ai tapé. Approche. Dans un... Jetzt. Du musst sterben. No hablo espagnol. J'ai dit que maintenant tu devais mourir. Ah oui, mais je m'en doutais. Mais je continue sur le fait que je ne parle pas espagnol. Mais non, passe. Pas actuel 7, actuel 1. Je suis toi, aux portes de la mort. On avait tous les deux le maximum de points de save. Imagine, t'aurais pas eu le maximum. Mais c'est violent en fait comme attaque, un D8. 2. Passe au supplice, j'imagine. Non, t'es pas encore au supplice. Et tu vois. Donc ici, tu vas avoir un blackout. Donc il y a une espèce de d'interruption des images qui viennent jusqu'à ta rétine. Le temps s'arrête pour toi. Il se distend, se fractionne, tu vois les dernières lueurs de lumière qui parviennent jusqu'à toi sont des flamèches qui dansent, qui enrobent tes mains, que tu vois danser autour des mains de la silhouette qui s'éloigne avec toi dans l'obscurité, non loin de ce véhicule du temps jadis. Lorsque tu as appuyé sur le bouton Choubdia, une vive lueur, un arc électrique a jailli dans un déluge de décibels de cette relique du temps obscur, et un grand éclair a remonté depuis la jambe de ton ami Smerdi est venu illuminer son corps, cramer sa chevelure qui s'est hérissée comme l'a décrit plutôt Hertz en parlant du petit écureuil qui avait cuit. D'accord, en fait, ils ont juste trouvé ses cheveux avec un court-circuit. Du génie. Et tu vois la silhouette qui se tenait jusqu'à présent derrière se rapprocher de vous et ses mains blanches enserrées. Le coup de dragon qui hurle un cri inarticulé, un cri que tu n'entends pas mais que tu ressens et qui fige l'instant. vois, tout n'est tout à coup plus que ténèbres, Choubdia. Devant toi se tenait, au bout de ta main, le jeune dragon. Il n'y est plus. Juste les ténèbres, des voix qui retentissent alentour, des bruits, des pas sur le sol et Hertz qui te dit « Veux pas disparaître, moi! Veux pas disparaître! Fais quelque chose !» Regarde avec plus d'attention l'extérieur. Pour éviter de réitérer mon exploit. T'as toujours le sèche-cheveux en main. Mais tu ne discernes plus la silhouette. Juste des ténèbres. Essaye de... Je l'allume en visant le vide. Parce qu'un grand circuit, ça fait de la lumière. Légère, mais ça en fait. Surtout si on est en pleine ombre. Donc, boum, je tire un coup. Dans le vide. À ce moment-là, apparaît deux silhouettes. Je sais à peu près les situer ou je dois retirer pour les juste situer. Devant toi, dragon qui est quasi recroquevillé qui semble se protéger, et devant la grande silhouette à la tête disproportionnée qui semble tenter de le saisir par le cou de ses grandes serres. Je fais halte, sinon je tire. La tête se tourne, tu vois les grandes dents jaunes apparaître dans la pénombre. Et elle s'arrête, interdite dans son mouvement. Dans sa main, tu vois l'ombre se former, une ombre plus dense au creux de sa paume. Il y a comme une lettre, un symbole qui semble se dessiner dans le noir de sa paume. Celui-ci. Ok, bah, je le note mentalement et je réitère ma menace. Il se rapproche de toi, la main en avant. Bah, du coup, comme il tend la main, tu décharges. Tu as conscience que dans l'axe se trouve le jeune dragon. Attends, quoi? Le jeune dragon, il va pas prendre la décharge? Il est juste au bout de la main de la créature. Je tape dans sa main. J'essaie de donner un coup de pied pour qu'il se délaisse le dragon. D'accord. Et afin de pouvoir tirer en évitant de cramer les cheveux de quelqu'un d'autre. Désolé. Okay. En fait, Gabriel, il psychote. Il a peur de perdre ses cheveux. C'est pas Dragon qui. C'est pas Gabriel. Là, il est cassé ou. Oui, il est cassé. Là, j'avais un doute en fait. 20. Bon, tant mieux. Et je vais en relancer un pour le tir, j'imagine. Non. C'est action combinée, les jets sont combinés. Ok. Donc, on va considérer que tu. Il me semble que vraiment c'est le meilleur résultat. Hein. Oui, c'est une réussite critique. Tu fais un rond autour, ça fait comme un cercle déformé. Du coup, je fais ce que je dis, quoi. Avec moi. Tu appuies la. Le sèche-cheveux se met en marche, il rugit. En basse fréquence, tu sens l'énergie déferler dans tes bras. Ah mais non. C'est la caricature d'une pousse. Et donc les flamèches viennent roussir et illuminer la main qui se tend face à toi. Elles viennent lécher le corps de celui qui se tient entre toi et Dragon, qui s'agite ce corps spasmodiquement et s'effondre au sol, emportant avec lui le jeune dragon qui tressaute sur le sol. J'avais dit que je le poussais d'abord ? Oui, tu l'as poussé, mais qui tressaute sur le sol dans une mare dans laquelle ils sont tombés tous deux. Oh non ! Je viens de trucer le dragon. C'est quoi ce qui vient de se produire, non ? La créature est maintenant inerte au sol. Je m'en fiche de ma créature, j'essaie de sauver Dragon. Tu t'approches de Dragon, il a les lèvres toutes craquelées, il y a une odeur d'ozone qui se dégage de son corps. Ses yeux sont vitreux. Il te garde en gémissant et te dit: je suis dragon, je suis sourd, j'ai un dragon dans l'oreille. Te tend la main et tu sens la chaleur de son corps passer en toi. Et je sais, c'est un bestiau qu'on a devant nous. C'est une plante sataniste. Bah, ça fait un pentacle et une caricature de plante. Donc, tu as sombré dans un... Dans l'alcoolisme. Dans un... une ténèbre plus profonde encore. Lorsqu'à nouveau, tu vois au dehors... tu vois le dehors. Tout semble tanguer, mais à un rythme beaucoup plus lent, moins effréné que ce qui prévalait auparavant. Tu entends bruisser la pluie sur le sol jonché de débris autour de toi. Tu aperçois juste à côté de toi, à quelques pas de toi, il tient dans ses bras le jeune dragon qui lui parle, et à côté de toi, tenant ton épaule de sa toute petite main, la gaude, qui te regarde de ses grands yeux noirs et te dit: le bois nous a parlé. Je sais ça. Il faut rétablir le champ maintenant. On doit quitter le vallon. Loin, loin, le plus loin, dans un chemin inconnu du bois, dans un chemin inconnu même, ça, dans un chemin, peut-être même celui qu'empruntent les oiseaux. Sa tête fait cela, et ta vision se trouble. Et son nez semble se muer fugitivement en un long bec jaune. Son bras droit qu'il tient en l'air en désignant le chemin sinueux qui s'éloigne de la combe et qui grimpe vers les hauteurs dans lesquels vous dirigiez au matin. Ce bras est une magnifique aile blanche. C'est un oiseau qui est devenu la gaude. Un homme aussi oiseau. Et... Tu entends en même temps la gaude qui t'appelle et qui pleure au loin, tout en étant là et traînant ton épaule. Et Dragon rassure ton ami Shubdia. C'est bon, des craintes. Je suis pas mort. Lui l'est. Enfin, je crois. Merci. T'étais pas loin, n'empêche. Oui. Mais la brûlure m'a dessillé les yeux. Nous devons quitter le vallon. Tout à faire ses sens. Nous devons quitter le vallon. Il va falloir prévenir les autres et les convaincre. C'est pas une mince affaire. Nous devons quitter les barges et rejoindre le château des Verticaux et rejoindre ma mère. Si, aussi. Si tu le dis, il faut qu'on en parle tous ensemble et on va rentrer. Qui est-ce que tu marronnes? Il dit que nous devons fuir. What? Parle dans notre langue au lieu de parler dans je ne sais quel langage. Soit, non, ce sera pour une autre fois, allez, hop, on rentre. Dragon s'approche de toi. Il place sa main dans la tienne. Et là, tu vois une espèce de mousse gagner ta paume, remonter. Sur ton bras, suivre les veines de ton corps et fleurir sur celui-ci. Tu es... Oh là. Il a un grand sourire. Je suis le prince du bois. Nous devons trouver la reine. Elle nous attend.